tu lis entre les lignes. Tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a des fonds d'impression, des je t'aime un peu brouillon. Malgré les accords mal habiles, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Mes faux pas, mes maladresses, et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Il y a dans mes chansons tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire. Mes blessures et mes faiblesses, celles que je vous qu'à demi-mot. Mes faux pas, mes maladresses, et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. Mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot. Demi-mot. Mes faux pas, mes maladresses. Maladresses. Et de l'amour plus qu'il en faut. Plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Mes blessures et mes faiblesses. Mes faiblesses. Et que j'avoue qu'à demi-mot. À demi-mot. Mes faux pas, mes maladresses.